suis enfermé dans ma bulle sous bubblegum. J'ai pas de gun, mais chez moi les croches sonnent. Frangin, avec cette nuit dont s'assomme des nuits entières, compose des bits, viscères, sévères, c'est vite. Son train-train vaut vite, son dirigeait déjà tracé. Je veux pas finir robotisé. Une puce dans le bras, code barre, full crâne. 10 heures par jour à bosser, né devant une bécane. Le bec cloué, après le taf crevé, blasé, empapé dans le canapé, devant la télé. C'est une vie de con, à quoi se pense, faut pas se méprendre. La médiocrité te guette dans un coin à attendre. Je ken le survivant, dans ma thermie, je me contente de peu. Un gros pétard, un lit, un casta, la livre. 50 grammes en temps de crise, un petit bis, et ma petite femme, ma petite femme, ma petite femme. Sans ironie, je reste fidèle à moi-même. Elle mène les bits jusqu'à ce que ma gorge s'irrite. Malgré moi, j'irrite. D'une nervosité sans limite, triste sort. Quand des gosses comme moi se dévorent, culpabilisent. Les coups partent vite, j'ai la maîtrise. Sans diviser ni dramatiser. Y'a que mes potes qui restent en visée. Visa pour toutes les orgies. J'aime quand les gorgies, que le sang gicle. Au fond, j'suis moi timbrique doux. C'est juste un concours de circonstances. Si j'suis enfermé là et pas vous. À pas trop ce chemin sinueux où les sinus pètent, où les flingues s'astiquent, où les seringues se prennent. Les plus belles femmes se prostituent. Tout le monde se prosterne devant ce putain de fric qui pue. Ces images dans ma tête me dégoûtent. En plus j'ai dû trop fumer de cette. J'ai la glotte qui doute. Sans ironie, je reste fidèle à moi-même. Elle mène les bits jusqu'à ce que ma gorge s'irrite. Malgré moi j'irrite. D'une nervosité sans limite, triste sort. Quand des gosses comme moi se dévorent, culpabilisent. Les coups partent vite, j'ai la maîtrise. Sans diviser ni dramatiser. Y'a que mes potes qui restent en visée. Visa pour toutes les orgies. J'aime quand les gorgies, que le sang gicle. Alors comme ça je suis un mec admirable. En des coups sales posés, un boulot stable depuis blasé, presque associable. Je reste associable pour les miens, pour la musique. Tragique au mic, j'aime la rime quand elle se complique. Conteste au pic, les faces volent de part en part. Je m'installe et pose, car y'a plus aucun rempart. Mon style névrose, par la vue de phrases posées. Freestyle de prose, cadre à vue de la nausée. Cadre à vue restera, la méthode pour m'exposer. La méthode pour m'extirper, de m'étriper, d'éviter. T'es trippé, ça soit tricant. J'suis détraqué, mais dis-moi tu le sais depuis quand. Depuis que j'ai débarqué, dis pas que j'suis ici le MC. Le plus barré, pas le plus baroque. Envoie mes textes à Johnny pour qu'il les rock. Pour mes guilles de beat, de son bling et de son bloc. Je défrais la chronique rap à l'ancien comme ils sont broc. Que les gens sachent que dans son demeure les sages. Démords pas de mes songes à faire payer fort de ma rage. En genre de sang, qu'est-ce que t'attends pour tout péter. Longer les murs, déjà mes signes de longévité. Pour éviter eux, mes regards sont vrais mais pas véreux. Je préfère encore quand les vers se cognent entre eux. Que la sympathie mal placée ne déborde pas. Que les vrais restent vrais, que les faux se fassent fucker.